слышишь, уши аис, у всех по жесть, альфам, кача, я вино пистолетный блабыш, альфам, кача, шамбалов фабишту, вельбишту, альфам, кача, офигенно есть на твоя трапе, вышу, альфам, кача. Deuil ne veut des rêves, m'arrête qu'elle rêve. L'un enfant où j'y pisse, l'un homme dans le jour, pisse, pisse, c'est très vasta. L'Ukraine, c'est un homme d'eau, d'un morgue ou hésite. Les stages n'est mes droits, si continue. L'un sort qu'il est seul. Rame si on a fait la guéroche, ça, ça se l'air. Reste des neufs, toujours, ça se l'air, très beau et si l'air. Je lui mets mes lampes à l'an, en fait, en haut, tout ça. Un bus tout est lourd, mais je vois, il a eu ses reflets, il va me ressusciter, c'est moi, c'est calme. Où je joue, je haïs. Dire pas je laisse Alpham Kacha. Y'a fiche d'or qui connaît, j'me l'appelle Alpham Kacha. J'ai un mal en frappe, j'me suis douillé, j'me suis douillé, Alpham Kacha. Rock et de laisser la pareille attraper, j'me suis Alpham Kacha. Bah, j'me bat des seuls, il fait mort et il se trempera. Je louche et fait l'autre jeu. Même si c'est si vite, ma troll, la chien me j'racle, les cigues et ma sème. La tizaine, la tine est pas qu'une femme. Y'a fini, on fait une vidéo où je n'en fais. Croyez pas, mais non, ma tête. Moi je sais rien de trop, là ce jeu c'est la sinon moi je m'achète en fille. Moi je m'achète dans la bombe, on l'a si moi j'avais la guette, un jeu. Et enfin j'ai des streams, là, j'ai la dissimule, mais l'autre n'est rien du propre là. Et là, et moi ça rejoute, moi je râle le drap, vous me le rappelez. Il se truc, je pourrais se nasse, et le petit se serait fait de plus tout hors d'un appaïs. C'est le ballon faux, on le rêve, on souffle les chalices, des CFI, moi c'est un chamal à bouche-douille. D'ailleurs, ah, il fait l'on chiffre, c'est juste un collier, mais ma de sèche, mais le masse à y rêver, c'est très bouche. Jamais trop paru, je t'aimais, la vie, il serait ma, vrai, venable de jeu, bonne. Au tibouk, au tisson, au don, et pas au fond, au revoir et au rémi des dons. Pour que tout qui court, et pas au creuson, rémi des deux refas, des deux fichus d'amasson à tout ça. C'est là, reste dans mon compte, tout guette, mes filous, et le bête de ce giste. J'arroque la soupe, jour jour, ma sage. La maille se joue, au de spraïble, et à l'art, et mec, fais à l'on et les bailles, au et divin, ils veulent nos cartes, et rapide. Moi, ce chat, non, me le rappelle, si bien vous ne s'est pas servi, les chats, vous sont mis au lévis, des fiches, des fiches, des fiches, des fiches, des fiches, des fiches, des fiches, des fiches, des fiches, des fiches, des Não!